Dans le frigo, il y a des tomates. Oui, il y en a encore deux. Il y a de l'eau. Oui, il y en a encore une bouteille. Il y a des yaourts. Oui, il y en a encore quelques-uns. Il y a du beurre. Oui, il y en a encore un peu. Il y a du lait. Oui, il y en a encore un demi-litre.